et ma vie se change en exil. Souvenir de ta présence, ton rire qui résonne encore. Maintenant j'ai peur de la mort. Et cette ombre qui veille sur mes rêves comme une vague d'inquiétude. Donne à tout ce qui fait la tendresse comme un goût d'incertitude. Ce soir ne sera que pleurs et